une histoire particulière. L'origine précise de l'absinthe est incertaine. En Égypte ancienne, l'usage médical d'extrait d'absinthe est mentionné dans un papyrus et Pythagore et Hippocrate parlent d'alcool d'absinthe et de son action sur la santé. Les Grecs anciens consommaient également du vin aux extraits d'absinthe. Le poète latin Lucrèce, dans son ouvrage « De la nature des choses », mentionne les vertus thérapeutiques de l'absinthe que l'on fait boire aux enfants avec un peu de miel au bord d'une coupe. L'absinthe fut interdite en 1915, au même titre que le haschich, l'opium et tous ses dérivés. Et même si le plus célèbre amateur d'absinthe fut sans conteste Van Gogh, celui dont Olivier Chomel et Rafik Zénine vont vous conter l'histoire n'a rien à lui envier. Absinthe, je t'adore, certes. Il me semble quand je te bois humer l'âme des jeunes bois pendant la belle saison verte. Ton frais parfum me déconcerte. Et dans ton opale, je vois des cieux habités autrefois comme par une porte ouverte. Qu'importe, ô recours des maudits, que tu sois un vain paradis si tu contentes mon envie. Et si, devant que j'entre au port, tu me fais supporter la vie en m'habituant à la mort. Raoul Ponchon, le veau réchauffé est meilleur froid. Premier épisode, quand mon verre est vide, je le plains. Olivier Chomel, Rafik Zénine. Éric Dussert, on pourrait commencer par une description physique du personnage. Je vous ai amené deux gravures, une eau forte et un bois vraisemblablement. Polychrome, qui sont en frontispice de livres concernant Ponchon ou de Ponchon. Comment le voyez-vous ? Mais tel qu'il se présente, des petits yeux plissés de malice. Là, ce sont des gravures de la fin de son existence, entre 1910 et 1930, je suppose. Il a des faux airs de Willy, un petit galurin à bord plat. Il a l'air tranquille, matois. Et sur les deux frontispices, on a l'impression d'un gaillard qui n'en pense pas moins. Je crois que la malice prévaut chez le personnage. C'est quelqu'un qui s'amuse. Ah, sur la première, c'est évident. D'ailleurs, il a de quoi. Il est en train de boire son absinthe. Sur la deuxième, il est un petit peu plus mélancolique, un peu plus pensif. Mais sa poésie, ses vers ont toujours montré quelqu'un de plutôt pétillant, spirituel, parfois grivois. En tout cas, je ne pense pas que son existence ait pu produire une impression de tristesse. Yves Jacques, bibliophile, collectionneur. Ponchon est un tout petit bonhomme finalement, c'est un bonhomme qui fait 1m65, qui a les yeux marrons, qui a un peu d'embonpoint, il a l'embonpoint dès sa vingtaine d'années, c'est un épicurien. Dans les premières années de sa vie, il a une chevelure noire de jais, il sera très rapidement chauve comme le dit Verlaine. Ses cheveux se sont vengés. Il a eu toute sa vie cette petite barbiche en pointe qu'il a eu rapidement grise, mais totalement négligée. D'une manière générale, c'est un bonhomme qui a toujours eu son petit chapeau mouron. Il s'habille dans les friperies de la gare Montparnasse. Il a toujours sa pipe à la main. Quand il est jeune, il a sa guitare à la main aussi, il gratouille. Il peut être très chic quand il sort chez Anna de Noailles ou quand il sort dans les salons. Mais Ponchon est un casanier, c'est quelqu'un qui est un plus milieu rue. Donc c'est quelqu'un qui n'accorde absolument pas du tout une importance à son aspect physique. À Raoul Ponchon. Tu sens le vin. Oh, pâte exquise sans le vin. Salut, Ponchon. Salut, trogne, crinière, ventre. Ta bouche, dans le foin de ta barbe, est un antre où gloussent les chansons de la bière et du vin. Ces vers sont de Jean Richepin, avec lequel Raoul Ponchon entretenait une amitié indéfectible, au point qu'il l'appelait son plus que frère. Ponchon vit à l'hôtel, près de la place de la Sorbonne. Plus exactement, il y dort. Quand il ne dort pas, il partage son temps entre de longues marches dans les rues de Paris, Ponchon est en quelque sorte un poète péripatéticien, et de longues stations dans les débits de boissons. Il y mange, boit, fume, écrit, reçoit ou est conduit ses quelques admirateurs selon son humeur. Les garçons de café qui en ont pourtant vu d'autres sont éberlués des quantités de tripes que ce petit bonhomme peut avaler. Un de ses collègues du jury Goncourt dira de lui « Il digérerait des clous ». Sa production poétique pléthorique comporte de superbes odes aux gigots, aux escargots, au fromage, à la bouillabaisse, aux saucissons, à la soupe à l'oignon, aux divers breuvages qu'il affectionne bien sûr, mais l'essentiel de son travail consiste à chroniquer l'actualité en vers. On aimerait lire dans nos quotidiens d'aujourd'hui les scandales politico-financiers traités ainsi. Mais la Gazette rimée est hélas un genre journalistique perdu. Raoul Ponchon a aussi commis certains célèbres vers qu'on penserait anonymes, dont le très fameux « Quand mon verre est vide, je le plains, quand mon verre est plein, je le vide », enseigné dans tous les caboulots du monde francophone, et même au-delà. Le Temps, 4 mai 1897. Raoul Ponchon est un des excellents écrivains que nous ayons. Sa physionomie est fort attachante. Il est célèbre à divers titres. Et d'abord, il appartient à l'histoire littéraire. Ses amitiés de jeunesse, le long commerce qu'il entretint avec Jean Richepin et Maurice Bouchor, ont inspiré à ceux-ci des strophes qui, sans doute, ne périront pas. Ponchon, Bouchor, Richepin étaient si étroitement unis que leurs noms s'amalgamaient et confondaient fraternellement leurs syllabes. Ponchon se muait en Ponchin, Bouchor en Bouchon, et Richepin, déjà somptueux, en Richepore. Adolphe Brisson. On ne l'a pas dit, Eric Dussert, mais une des choses qui caractérise Raoul Ponchon, c'est le volume de sa production. Il s'agit de 150 000 vers, plus que Victor Hugo, qui ne s'est pas cantonné à la poésie, on le sait bien. Et en plus, Raoul Ponchon n'a guère écrit qu'entre 1886 et 1924. Oui, il faudrait vérifier le comptage. Et comme le dit Pascal Piat, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous non plus. On n'est pas face à un chef-d'œuvre permanent. Néanmoins, certains sujets, effectivement, le désinhibent complètement et le rendent extrêmement délicieux. C'est un homme qui va très loin dans une valeur qu'il doit sans doute placer très haut, qui est l'amitié. Il constitue avec Jean Richepin, l'auteur de La Chanson des Gueux, et de Maurice Bouchor, autre poète, un trio d'amis indestructibles. Ça va jusqu'au fait que Raoul Ponchon et Jean Richepin sont enterrés dans le même caveau. À Saint-Brieuc, oui. À côté de Saint-Brieuc, Pléneuf-Valandré. Voilà. Effectivement, c'est quelque chose d'assez unique hein, dans l'histoire littéraire, de se retrouver avec deux écrivains importants dans le même caveau. Tout laisse penser que Raoul Ponchon était une bonne nature. Il aimait vivre, il aimait la vie, il ne devait pas avoir l'alcool trop désagréable. C'est le bon vivant. Et maintenant que j'y pense, les frontispices que vous m'avez montrés font surgir une autre figure qui est celle de Bacchus. Il lui manque que les feuilles de vigne et les raisins dans les cheveux. On a le poète bachique par excellence. Et je pense que c'est peut-être ceci qui attend plus. Est-ce qu'on pourrait comparer cette figure à celle de... comment s'appelait ce chanteur, Carlos par exemple, qui était une personnalité plutôt joviale et amusante. J'essaye de faire un parallèle qui est peut-être un peu hasardeux, mais mais après tout, c'est la bonne vie, c'est la picole, c'est toute cette joie de vivre et de voilà, profitons de l'existence, soyons heureux et ne nous laissons pas enquiquiner par les enquiquinements en fait. Voilà. Donc les enquiquineurs et les enquiquinements sont mis de côté. On s'en moque dans les poèmes. Il avait quelques têtes de turc, hein, comme Francisque Sarcey, par exemple. Il était critique littéraire, journaliste. Oui, effectivement, il l'avait vraiment dans le nez. Qu'Alphonse Allais appelait mon oncle également. Et lorsqu'Alphonse Allais ne signait pas lui-même Francisque Sarcey pour se moquer du vieux, pourrait-on dire. On voit bien la figure plaisante et que pouvait représenter ce personnage. Et on sent bien que chez des Bouchors ou des Richepin, qui étaient eux-mêmes des bons vivants, l'amitié ne devait pas être trop compliquée à vivre. Jean-Didier Wagner, vous êtes historien de la littérature. L'histoire de Ponchon, elle, en littérature, elle commence un peu avec la guerre de 70. Autour de 70, oui. En fait, le premier noyau, c'est l'amitié entre Richepin et Ponchon. Ils vont se connaître, au collège, hein. Et à partir de là, au fur et à mesure des années 70, d'abord, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut penser cette génération justement par rapport à 70 et à la Commune. C'est peut-être pas pour rien qu'ils ont un humour désespéré. Moi, je pense souvent à cette génération-là, et Richepin, Bouchard, Ponchon, c'est-à-dire les vivants, mais aussi des groupes comme les Hydropathes, des groupes comme les Utiques, sont aussi considérablement marqués parce qu'ils auraient tombé sur la tête, en fait. Ils vont s'opposer d'entrée de jeu, je dirais, à la poésie parnassienne, un petit peu, trop marmoréenne. Et ils vont opposer justement un retour d'une poésie plus brutale, une poésie qu'ils vont trouver à l'intérieur du folklore français, dans la chanson française, dans toute cette, littérature, dans ses accents, dans des langues régionales, dans des argots, pour refonder un petit peu une autre manière de faire de la poésie. Ils travaillent, puisqu'il y en a beaucoup qui se partagent, c'est des intermittents de la littérature, il y en a beaucoup qui se partagent entre des emplois très différents. Il va au bureau tous les jours, mais il y reste pas trop longtemps, parce que dès que le printemps arrive, il sèche un peu le bureau. Mais il y en a plein qui font ça en même temps, Verlaine et les autres, voilà. Alors on a des très beaux poèmes comme ça, avec des en-têtes, ministère des Beaux-Arts et des Cultes. Maupassant aussi a fait ça, voilà. Il y a une sorte de vie, on essaie d'exploiter les situations, de trouver l'argent où il est. Alors la deuxième manière de trouver de l'argent aussi, pour toute cette bohème, c'est d'écrire dans les journaux, bien évidemment. Alors ils vivent de la presse. Ponchon va arriver dans un journal très particulier qui s'appelle Le Courrier français. Alors, en fait, le Courrier français, il est lancé en 1884 par Jules Roch. Jules Roch, c'est un courtier en publicité, un publicitaire. La publicité se développe de façon très importante depuis la monarchie de Juillet. Donc, il crée le Courrier français, mais il va avoir une particularité, c'est qu'il va graviter de manière extraordinaire autour des pastilles contre la toux, les pastilles Géraudel, qui ont été inventées par un pharmacien, Auguste Géraudel. En fait, elles sont aussi célèbres à l'époque que sont les pastilles Valda pour les années 60-70. Alors, en fait, ici, avec le Courrier français, c'est pas simplement cela. Je veux dire, il y a de la publicité, et même, on l'a appelé le Courrier Géraudel à un certain moment même. Mais surtout, il y a toute une population d'écrivains et de dessinateurs qui sont particulièrement géniaux, à commencer par beaucoup de gens qui ont déserté le chat noir, le premier chat noir de Rodolphe Salis, comme Adolphe Villette, qui va donner toute sa pleine mesure, je dirais, à l'intérieur du Courrier français, et qui va attirer par ses dessins assez provocateurs plusieurs procès, mais sur tout le monde, ça devient une habitude au Courrier français. Ça fait partie du jeu, voilà. Et la tonalité du journal est relativement légère, on va dire. Légère et littéraire à la fois, c'est-à-dire que c'est très décolleté dans l'illustration. Jean-Michel Gouvard, je voudrais vous soumettre un regard de Ponchon sur la politique. C'est un poème en vers de quatre pieds qui s'appelle « Palais Bourbon ». Il y a un préambule qui consiste en cette petite phrase « La séance est ouverte ». Et ensuite, il s'agit de 70 vers qui ne sont que des insultes. Ça fait crétin, canaille, pitre, abruti, chameau, volaille, paquet, outil, traître, ganache, crapule, vache, fourneau, morveau, goujat, ordure. Et ça continue comme ça sur 70 vers. Et ça finit par la mention « On passe à l'ordre du jour ». Et ça, ça date de 1898 et ça nous parle de l'affaire Dreyfus. On est dans quelque chose de très très exemplaire de l'art de Ponchon. Tout à fait, puisque on a un texte qui, de prime abord, apparaît comme simplement amusant, pourrait même paraître un petit peu facile, mais qui en fin de compte reflète très exactement la société française de l'époque qui s'est profondément déchirée autour de l'affaire Dreyfus. Et donc, ce n'est pas simplement au Palais Bourbon que les insultes fusaient, mais aussi dans la société française. Donc, c'est un texte qui allie une fois de plus la cocasserie, la bonne humeur, le bon humour, et en même temps, qui, par derrière, révèle toutefois quelqu'un qui a un regard tout à fait averti sur la société de son temps et qui la donne à voir littéralement comme elle est à travers cette fantaisie pour le moins parfaitement bien imaginée. Éric Dussert, je n'étais pas loin de penser que Ponchon était l'inventeur de la Gazette rimée. En réalité, pas du tout. Non, la Gazette rimée, c'est un art journalistique, on va dire, qui date de Mathusalem, qui existe presque avec le journal, quasiment. On en retrouve assez tôt. Néanmoins, lui, il en fait un passage obligé, un petit peu comme Fénéon fait des nouvelles en trois lignes qui préexistent à Fénéon. Quelque chose de, tout d'un coup, extrêmement intéressant, parce que ludique. Et chez Ponchon, ce raffinement poétique lié à l'actualité, on le trouve tout au courant du 19e siècle dans la petite presse, c'est quelque chose d'assez banal. Les journaux à l'époque sont tellement nombreux et ils ont tellement de pages qu'il faut les remplir, ces pages. Donc on met beaucoup de littérature et on met beaucoup de poésie. Se moquer des gens au pouvoir en vers, c'est toujours plus amusant. La Fontaine le montre, par exemple. Le genre humain est très sensible à la rime dès lors qu'elle est amusante. Jean-Michel Gouvard, vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux. Vous êtes notamment l'auteur d'un livre paru au PUF qui s'intitule « La versification française ». Et je fais appel à vous pour tenter de décortiquer la poésie de Raoul Ponchon sur un plan formel. C'est un poète un petit peu inclassable. C'est quelqu'un qui, très volontairement, a vécu dans le milieu de la bohème et sans chercher à construire une œuvre qui soit reconnue en fonction des critères académiques de l'époque. Donc nous avons, dans le cas de Raoul Ponchon, on pourrait dire un petit peu toute la gamme des vers, par exemple, des vers de une syllabe à des vers alexandrins. Nous avons toutes sortes de constructions strophiques, même s'il a une certaine tendance à privilégier, comme tous les poètes de son temps, le quatrain et le sixain. On trouve aussi des formes beaucoup plus fantaisistes et parfois des strophes avec deux, trois, quatre types de vers différents. Donc c'est une poésie qui, sur le plan formel, est extrêmement ouverte et libre dans son inspiration. C'est un vrai professionnel. Sa poésie a souvent une tonalité prosaïque. On ne sent pas du tout l'artifice. La phrase semble couler de source. Et donc, c'est un véritable maître en la matière. Et par exemple, dans un texte qui a des accents verléniens, Chanson d'automne, le poète se représente donc à l'automne de la vie et se lamente donc sur l'état physique qui est le sien, mais sans aucun tragique, puisque ça donne des choses comme ceci. Un coq chaque matin me guette, fini l'été, dit-il, c'est temps en vérité de fermer ta braillette, Ponchon, ouvre ta cave, mon cochon. Alors, on a donc comme ça un certain nombre de strophes où le poète, ne pouvant plus jouir des plaisirs de la chair, se rabat sur le plaisir du vin. Au passage, on a une rime ponchon-cochon qui est récurrente chez lui. Oui, c'est un animal fétiche, le cochon. Voilà, c'est absolument un animal fétiche. S'agissant de Ponchon et du cochon, j'ai une anecdote à ce sujet. Alors que, justement, sans doute au moment où il écrit « Chanson d'automne » et qu'il avançait en âge, il avait été convié, on se demande bien pourquoi, à une soirée contre l'alcoolisme. Et où il y avait drôle d'idée. Et donc, un certain nombre d'orateurs avaient essayé de signaler les dangers d'une trop grande consommation d'alcool, ce qui est, rappelons-le, certainement le cas, il ne faut pas en abuser. Et entre autres, un médecin, pour prouver ses dires, avait injecté du cognac à un petit cochon qui était mort au bout de quelques minutes, et le médecin triomphant a avancé qu'il avait ainsi établi les dangers de l'alcool. Et Raoul Ponchon, levant son verre d'alcool, s'est écrié « C'est bien fait, le cognac, c'est pas pour les cochons ». On pourrait avoir l'impression, Jean-Didier Wagner, que la vie de Raoul Ponchon est totalement dissolue parce qu'il boit beaucoup d'absinthe, différents alcools, un peu de bière, beaucoup de vin, il fume comme un paquebot et il mange comme quatre. Ouais. En réalité, c'est pas ça du tout. C'est une vie très réglée. C'est une vie très réglée, mais il est à l'heure au restaurant, ça c'est sûr. Hein. Il est à l'heure au café aussi, parce que tout le monde sait qu'à telle heure, on verra Ponchon à tel café. Mais c'est une vie réglée, c'est une vie d'écrivain. Hein. Parce qu'une vie d'écrivain, c'est un peu une vie de bureau quand même. Donc lui, ses bureaux étaient un peu partout. Il écrivait au café, il écrivait chez lui. C'est aussi quelqu'un qui met très haut la gastronomie. Alors là, il y a quelque chose. Alors il a fait des poèmes... Donc, il en a fait un qui s'appelle le gigot aux haricots. Alors, à chaque fois qu'il était invité dans une maison bourgeoise, la maîtresse de maison lui faisait le gigot aux haricots. Alors, il n'en pouvait plus à la fin. C'était plus de gigot. Voilà. Il a aussi célébré la bouillabaisse. La bouillabaisse. La soupe à l'oignon. Voilà. Tout n'est pas, comment dire, toujours constant à un très haut degré. Bien évidemment, il y a des moments de passage à vide, comme tous les écrivains et tous les poètes. Mais lorsqu'il a l'inspiration et que tout vient au bout de sa plume, c'est vraiment là, vraiment un feu d'artifice. Raoul Ponchon est proche de la tradition des poètes libertins, qui est une tradition très, très ancienne. Il a un talent particulier pour la poésie bachique et puis un goût particulier pour les agapes. Combien d'anecdotes à son sujet où on le retrouve dans la rue, couché sous la neige, et il lui a neigé dessus alors qu'il était ivre-mort sur le trottoir. Bref. Ce qui laisse à penser qu'il y a vraiment un dieu pour les ivrognes. Ah oui, oui, et pour Ponchon en particulier. Il y a cette fameuse anecdote du café Drouan, donc pour la remise des prix Goncourt. Ponchon y trouve une utilité spectaculaire, c'est qu'on y mange très bien une fois par mois. Donc il met un peu au défi Paul Neveu, Léon Hénique et tous ses amis à propos des vins. Donc il dit, moi vous savez, à l'aveugle, je reconnais absolument tous les vins, vous pouvez me mettre n'importe quoi sur la table, je reconnaîtrai, mettez-moi un bandeau, je vous le prouve tout de suite. Comme la cave de chez Drouan est spectaculairement achalandée, on lui propose un Gevrey-Chambertin, il reconnaît tout de suite, il dit ça, c'est un moulin à vent, ça, c'est un Mâcon, ça, c'est un Condrieu blanc, et puis finalement, on lui amène un dernier verre alors qu'il a toujours les yeux bandés, il dit ah, ça, désolé, je sais pas ce que c'est, et on lui enlève le bandeau, il dit ah, mais c'était de l'eau. Donc c'est une anecdote qui est un petit peu apocryphe, mais qui permet de voir à quel point Ponchon ne buvait jamais une goutte d'eau. Raoul Ponchon est mort à près de 89 ans. C'est ça. Ce qui, en regard de l'hygiène de vie qu'on lui prête, est quand même un prodige. Alors, quand on consomme de l'alcool, généralement, ça mène pas très loin. Mais c'est un grand marcheur, Raoul Ponchon. Il ne prend jamais l'omnibus, il ne prend jamais le train, il déteste tout ça. Ça en fait quelqu'un qui a, en fait, une vie absolument saine. On parle de Ponchon comme le poète des 150 000 vers. Ponchon est probablement aussi le poète aux 250 000 kilomètres. Parce que Ponchon... À pied. C'est quelqu'un qui marche à peu près entre 8 et 10 kilomètres par jour. J'ai relevé, par exemple, quand il réside à Saint-Jacques-de-la-Mer, il va tous les matins à Dinard boire le café, ce qui fait 22 kilomètres aller simple, donc 44 kilomètres aller-retour. J'ai lu quelque part que tous les dimanches, quand il était à Paris, il quittait son quartier de la Sorbonne et il allait à Versailles à pied. Absolument. Ça fait 20 kilomètres. Alors Versailles, ça fait à peu près 17 kilomètres aller-retour. C'est très proche, aller simple. Par contre, il est très coutumier de faire Fontainebleau à pied, ce qui fait à peu près 70 kilomètres. Je connais mal la région parisienne, mais je crois que ça fait 70 kilomètres aller simple. Le temps. 4 mai 1897. Un jour, Raoul Ponchon et Maurice Bouchard entreprennent un petit voyage. Ils se rendent à Amiens dans l'intention d'étudier sérieusement la cathédrale de cette ville célèbre et s'épater. À peine sont-ils arrivés que Bouchard reçoit une dépêche qui le rappelle à Paris. « Nous reprendrons le train à 4h du matin. » Ponchon y consent. D'ici là, on s'arrange à passer le temps du mieux possible. Enfin, à 3h après minuit, on se dirige vers la gare. La saison était douce, la nuit étoilée, une fraîcheur délicieuse montée de la campagne. Ponchon emplissait ses poumons de ses senteurs. « Alors, dit-il à son compagnon, en le conduisant sur le quai, tu vas t'enfermer dans cette absurde voiture ? Et toi pareillement, je suppose ?» Ponchon se mit à rire. « Oh, moi, s'écria-t-il, je rentre à pied. Je hais les chemins de fer. » Bouchard n'insista pas, pensant que Raoul Ponchon avait des raisons particulières de prolonger son séjour en Picardie. « À tantôt !» lui dit Ponchon. Et tandis que Bouchard s'accommodait dans le coin de son compartiment avec l'intention d'y piquer un somme réparateur, Ponchon, ayant retroussé le bas de son pantalon, son baluchon sur l'épaule, son bâton de cornouiller en main, s'engageait héroïquement sur la route nationale. Les astres s'éteignent, le soleil paraît, Ponchon va toujours droit devant lui d'un pas égal. Les kilomètres succèdent aux kilomètres. À mi-chemin, comme il s'était arrêté pour souffler un brin, il s'informe d'un village pittoresquement situé sur la colline prochaine. « Ça, c'est Ponchon !» répond le gargotier. « Vous dites ?»« Je dis, ça, c'est Ponchon !»« Il y a un village en France qui porte mon nom !» Ponchon ne put résister au désir d'explorer son village. Ponchon s'en alla vider un pot à Ponchon, et la bière de Ponchon parut à Ponchon délicieuse. Puis, après ce léger détour, il reprit la route de la capitale et se remit à dévorer les lieux. Il toucha vers le milieu de la nuit suivante aux fortifications. Là, son ardeur l'abandonna. Il héla une voiture et s'y laissa tomber plus mort que vif. Revenir d'Amiens et s'écrouler dans un fiacre. J'eusse dû tenir jusqu'au bout. Je suis déshonoré. À quel point Raoul Ponchon était-il célèbre, Jean-Didier Wagner ? Je sais que déjà... Il était assez courtisé quand il faisait ses stations au Café de Cluny, par exemple. Oui, en fait, il y avait quelque chose, comment dire, une sorte de voyage un peu initiatique. Les gens allaient voir Verlaine au François Ier, ils allaient voir Ponchon qui était là. Voilà, il est courtisé. Je n'ai pas vu un seul écrivain dire du mal de Ponchon. C'est quand même ça, c'est très étonnant. Et tout le monde l'admire, y compris Verlaine a fait un des plus beaux portraits de Ponchon. C'est ce portrait dans Les Hommes d'aujourd'hui, c'est une publication, je dirais, qui paraissait sur 4 pages avec une belle caricature en première page. Il écrit, Raoul Ponchon est un poète très original, un écrivain absolument soi, descendant, c'est clair, d'une tradition, ainsi que tous du reste, mais d'une tradition de la première française en diable, avec tout le diable au corps et tout l'esprit au diable d'un bon diable, tendre au pauvre diable et diablement spirituel, coloré, musical, joli comme tout, fin comme l'ambre, léger, tel Ariel et amusant, tel Puck, bon rimeur, j'ai mes idées sur la rime, et quand je dis bon rimeur, je m'entends à merveille, et c'est de ma part le suprême éloge, excellent versificateur aussi, je m'entends encore, un écrivain, enfin, tout saveur, un poète, toute sympathie. Même chose chez Apollinaire dans Les Marges. Il dit « Ce petit miracle d'un gazetier lyrique est peut-être le seul exemple qui existe encore d'écrivain, de poète, dans le talent duquel n'apparaissent aucune trace immédiate d'aucune littérature étrangère. Nonobstant ses autres mérites, sa manière délibérée, son art spontané, c'est surtout cela qui le rend intéressant, puisque, mon Dieu, on sait bien qu'il a passé sa vie à se faire violence afin de demeurer un petit poète, afin de n'avoir aucune importance. » Raoul Ponchon, Le veau réchauffé et meilleur froid. Avec Éric Dussert, éditeur et écrivain, Jean-Michel Gouvard, professeur à l'Université de Bordeaux, agrégé de lettres, Yves Jacques, bibliophile et collectionneur, Jean-Didier Wagner, historien de la littérature. Texte lu par Daniel Königsberg. Bibliographie et liens sur franceculture.fr. Coordination Christine Bernard, archivina Véronique Jolivet, prise de son Yann Fressy. Mixage Claire Levasseur. Une histoire particulière, Olivier Chaumel. Demain, il sera 13h30 lorsque nous nous retrouverons pour la suite du documentaire sur Raoul Ponchon. Mais pour l'instant, à 14h, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Antoine Guillot.